près des rivages d'Italie, pas très loin de la mer immense, semblable aux bastions de Provence, sur un sommet. Et comme sur un nid posé dans les montagnes de Calabre, un vieux village porte ses âmes près d'un clocher. Umbriatico, terra di riso, Umbriatico, di mio nonno. Umbriatico, terra di riso, de Calabria, di mia mamma. Découvrons, si vous le voulez bien aujourd'hui, Marc Caballero. Quelques voûtes de pierre blanche éclairer tous leurs dimanches. Dans la veine de Maxime Le Forestier ou Henri Salvador, Marc Caballero nous invite dans son univers à travers ses compositions. Le soleil coule dans les fontaines, les veuves en noir boivent leur peine sous les oliviers. Umbriatico, terra di riso, Umbriatico, di mio nonno. Umbriatico, terra di riso, de Calabria, di mia mamma. Marc Caballero offre une large place à la poésie, mise en valeur par des musiques douces et originales. Je ne l'ai pas connu, il jouait de la mandoline, et dans la douceur des collines, près de Reggio. On entendait quelques échos, des airs lointains de tarentelle, quand le jour refermait ses ailes sur le cœur de Cantanzaro. Umbriatico, terra di riso, Umbriatico, di San Donato. Umbriatico, terra di riso, de Calabria, di mia madre. Umbriatico, terra di riso, Umbriatico, di mio nonno. Umbriatico, terra di riso, de Calabria, di mia mamma. Umbriatico, Umbriatico. Marc Caballero est né à Médéa en Algérie. Son père, militaire de carrière, a rejoint la France lorsqu'il a 10 ans. Sans être tout à fait un imbécile fini, je n'ai rien du penseur, du phénix, du génie. Mais je ne suis pas le mauvais bougre, j'ai bon cœur et ça compense à la rigueur. On est qu'on sont braves, comme toi, comme moi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises qui déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, pas malheur sur terre. La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Il s'agit des sexy, des... Sur un plan purement musical, il reçoit sa première guitare alors qu'il a 15 ans et très vite, lui vient l'envie d'écrire ses premières chansons. Si le Sir X était un lampiste ordinaire, il rêver vrai sans histoire avec ses congénères. Mais hélas, il est chef de parti, il a ni mal. Quand il débloque, ça fait mal. Quand les cons sont braves, comme toi, comme moi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. En 1973, il gagne un Radio Crochet qui est alors animé par le célèbre Jean Noin. À la fin des années 1970, il enregistre 2 45 tours et un album de 9 titres en 1981. Il s'agit, il s'excite, il s'emploie, il déploie leurs ailes à la ronde. Hélas, c'est alors que son producteur et arrangeur de l'époque part s'installer définitivement en Australie. Marc Caballero arrête la musique pendant plusieurs années. Sans grade. Il laisserait tremper ses pauvres camarades. Mais il est général, va en guerre, Matamor. C'est en 1986, à la faveur de la naissance de son premier fils Romain, qu'il reprend progressivement la guitare pour le bercer. Et l'envie, évidemment, revient doucement. Les comètes se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, pas malheur sur terre. La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils envoient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. En 1994, il partage la scène de la Ménate à Paris avec Marc Cervera. À cette occasion, il collabore avec cet auteur pour quelques chansons, dont Le Sculpteur et Comme un écho, qui figure sur l'album du même nom. En 1998, il rencontre Clarisse Lavanant. Elle vient aimablement prêter sa voix pour une chanson du deuxième album de Marc qui avait pour titre « Avant désespéré », avant de partir vivre l'aventure de la comédie musicale dans les 10 commandements. Pas malheur sur terre. La plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Il s'agit, il s'excite, il s'emploie, il déploie leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. En 2000, il est victime d'un grave accident de la main gauche qui lui fait redouter le pire pour la suite. Il rebondit et à cette occasion, il se rapproche de quelques musiciens de talent comme Raoul Dopeux à la guitare, Philippe Guyer à l'accordéon ou Laurent Stéphane à la basse. Quelques mutants près du jardin des orangers. Quelques éclats dans une alcôve où sans fièvre des mains de fée. Des copeaux de fer tout au fond d'un atelier. Ses outils venus d'un autre âge, il en fait des couples enlacés. Sous les baisers d'un feu de forge, énamouré. En 2002 sort son troisième album qui a pour titre Comme un écho. Il fait ensuite, après quelques concerts, une pause complète d'un an et demi avec la musique. En 2006, il enregistre son quatrième album qui a pour titre Paroles en l'air avec quelques reprises enregistrées en live et 9 nouvelles chansons. De nouvelles rencontres sont également au programme, notamment avec Anissa Altemeyer au violoncelle et Aurélien Wess à la guitare manouche. Une ombre pour ses soldats gantés de froid. Au-dessus des murs couverts par le lilas, le clocher de Saint-Antoine de Cigar, comme un rempart contre le temps, protège bien tous ses enfants sous des voûtes de pierre blanche étincelant. En 2009, alors qu'il envisage d'enregistrer un nouvel album qui aura pour titre Soleil d'hiver, Marc Caballero se rapproche de Gilles Passani, qui est compositeur et arrangeur. Cet album sort en 2010. En 2014, c'est un nouvel album qui sort. Il a pour titre Mon inconnu. La main calleuse du fermier reprenne des formes nouvelles émerveillées. Qui avait couché dans la fange, abandonné dans le fumier, reçoivent un lit de légende et de beauté. Nouveau rebondissement en 2016 dans la carrière de Marc Caballero, puisqu'il fait ses débuts pour le cinéma comme figurant et acteur de complément. Il participe à 4 longs métrages et à des séries télévisées. Au-dessus des murs couverts par le lilas, le clocher de Saint-Antoine de cigare, comme un fronton offert à Dieu, allume du soleil dans ses yeux, aucune ombre pour ses soldats, gantés de froid. Marc est actuellement en préparation d'un récital. En effet, plusieurs dates sont prévues dans les semaines et les mois qui arrivent. Il est accompagné de Philippe Guyère à l'accordéon et à l'accordina. Le temps protège bien tous ses enfants sous des voûtes de pierre blanche étincelantes. Si ce que vous avez entendu ici a éveillé en vous la curiosité de découvrir l'univers musical de Marc Caballero, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, tapez Marc Caballero. Vous pourrez visionner de nombreuses vidéos et découvrir toute la palette musicale de l'artiste.